الحمد لله الذي خضعت لعظمته الرقاب، والذي لانت لقدرته شدائد الصلاب، غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب الأرباب ومسبب الأسباب وخالق خلقه من تراب. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، سيد أولي الألباب، وعليه أنزل أفضل كتاب، وبه بدد الله جل وعلا الظلمات والضباب، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى جميع الأصحاب ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء والحساب. Toutes les louanges appartiennent à Allah, celui devant lequel se baissent toutes les nuques, celui pour lequel se soumettent toutes les forces puissantes, le pardonneur des péchés, l'accepteur du repentir et le sévère en châtiment. Et je témoigne que nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah, l'unique sans associé, le Seigneur de tous les seigneurs et l'auteur de toutes les causes et le créateur de sa créature de terre. Et je témoigne que notre prophète Mohammed est son serviteur et son messager, le chef des doués d'intelligence, celui sur lequel a été révélé le meilleur et le plus noble des livres, et celui par lequel Allah Jalla wa Ala transforma et illumina les ténèbres de l'injustice et de l'ignorance. Ô Allah, évoque-le en bien auprès de toi dans les grandes assemblées, et préserve-le de tout mal dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà, et accorde-lui ta bénédiction, à lui ainsi qu'à sa noble famille, ses nobles compagnons, ses bien-aimés, et tous ceux qui suivent son chemin jusqu'au jour du jugement et de la récompense. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في هذا الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ensuite, certes, la parole la plus véridique est le livre d'Allah. Et la meilleure des voies à suivre est la voie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et la pire des choses est la nouveauté. Toute nouveauté dans cette religion est innovation. Toute innovation est égarement et tout égarement mène à l'enfer. Ahibbati fillah, telle est notre 42e rencontre. Parmi les rencontres de cette noble série, silsilatu marahil ad-dar al-akhirah. Étape vers la demeure dernière. Et notre discours lors de la semaine dernière était au sujet du rassemblement des mécréants al-kafirin dans le feu de l'enfer nar ou jahannam wa bi'sa al-mihad. Et quelle mauvaise destination. Et également à propos de la perdition et du péril des hypocrites al-munafiqin al-khadi'in, les traîtres. Et ceci, en leur enlevant et en leur ôtant la lumière qu'Allah Jalla wa Ala aura accordée aux croyants al-mu'minoun. Et en les délaissant et en les abandonnant dans des ténèbres, comme c'est pour eux leur cas de nos jours dans ce bas monde ad-dunya. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit, ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. Des ténèbres entassées les unes au-dessus des autres. Lorsque quelqu'un étend sa main, il ne la distinguerait presque pas. Et celui à qui Allah privera de lumière, il n'aura certes aucune lumière. Puis par la grâce d'Allah, tabaraka wa ta'ala, nous avions parlé de leur descente dans les feux de l'enfer, afin qu'ils atterrissent dans le niveau le plus bas, wal'ayadu billah, wa ma lahum min nasirin. Et ils n'auront dans cet endroit aucun secoureur. Lorsque les mécréants, ayyuhal ikhwa al-kafirun, seront rassemblés au feu, et lorsqu'Allah, jalla wa ala, aura anéanti les hypocrites al-munafiqin, après cela, sera instauré et sera placé et dressé le pont As-Sirat, afin que passent dessus les croyants al-mu'minoun, car il n'y a que les croyants al-mu'minoun qui passeront au-dessus du pont As-Sirat. Et telle est la parole la plus probable à ce sujet. Al-Hafid ibn Rajab rahimahullah ta'ala nous dit, et il nous dit dans son livre, et il cita que seuls les croyants al-mu'minun passeront au-dessus du pont As-Sirat, car il n'y a nul besoin, ni pour les mécréants, ni pour les hypocrites d'y passer, car ils auront certes reçu ce qu'ils méritaient. Et ils auront été jetés dans le feu de l'enfer, naru jahannam a'adana Allahu min an-nar. وأهل السنة والجماعة sont unanimes sur le fait qu'il existe véritablement un pont à Sirat. Et ceci est tiré du Coran et de la Sunnah du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et ne les ont contredit qu'un grand nombre de Mu'tazila et quelques sectes égarées, comme cela a été cité par l'imam al-Safarini et par l'imam Ibn Abi al-Izz al-Hanafi rahimahumullah, et d'autres savants parmi les savants d'Ahli Sunnati wal-Jama'a. Ibad Allah, celui ainsi qui nie l'existence du pont As-Sirat sera certes sorti de l'islam, sera certes sorti de la religion d'Allah al-Wahid al-Dayyan, car il aura démenti les paroles d'Allah Azza wa Jalla. Et il aura démenti le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il nous est donc obligatoire, et il nous incombe, et il nous est indispensable d'avoir la conviction, la certitude et de croire à ce pont As-Sirat. Fama huwa As-Sirat. Wa kayfa sayamurruna alayhi al-mu'minun. Quel est donc le pont As-Sirat, ayyuha al-ikhwa? Et comment passeront dessus les croyants al-mu'minun? Les réponses à ces deux questions sont l'objet de notre discours aujourd'hui, bi-ibnillahi azza wa jal, wa as'alullaha jalla wa ala an yarzuqana al-ikhlasa wa s-sawaba fi al-qawli wa al-amal wa an yubarika fi waqtina innahu wa liudhalika wa al-qadiru alayhi. Ayyuha al-ikhwatu al-kiram, al-imamu al-Safarini rahimahullahu ta'ala nous dit, as-sirat signifie dans la langue arabe le chemin clair et évident. Quant à son sens religieux, As-Sirat est le pont qu'Allah Jalla wa Ala placera entre le paradis Al-Jannah et l'enfer An-Nar. Et de plus, ce pont sera au-dessus du feu Jahannam. Et ce pont commencera à partir de l'endroit et de la terre où la lumière des hypocrites leur ont été enlevée, à partir de la terre où Allah tabaraka wa ta'ala a accordé la lumière aux croyants al-mu'minoun. Ce pont commencera à partir de cet endroit et à partir de cette terre, et aura comme dernière destination non le paradis al-Jannah, mais il se terminera devant un deuxième pont, et ce pont passera au-dessus de l'enfer Jahannam. Et ne pensez pas que ce pont est large ou que ce pont est vaste, pensant que vous pouvez le traverser avec simplicité et facilité. Ne pensez pas que le sol de ce pont est solide et qu'il résiste sous les pieds, qu'Allah. Mais il est, comme nous l'a cité le prophète alayhi salatu wassalam, dans un hadith rapporté par l'imam Muslim, selon Abi Saïd al-Khudri radiallahu anhu. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam nous dit, Le pont As-Sirat est plus fin qu'un cheveu et plus aiguisé qu'une épée. Le pont As-Sirat est plus fin qu'un cheveu et plus aiguisé qu'une épée ou qu'un sabre. Et les dimensions de l'au-delà et l'akhira et l'ikhwa ne peuvent être comparées avec les dimensions de ce bas monde ad-dunya. Ainsi, ce qui se passe et ce qui aura lieu dans l'au-delà et l'akhira ne peut être comparé et assimilé à ce qui se passe dans ce bas monde ad-dunya. Wallahu ala kulli shay'in qadir. Et Allah est capable de toute chose. Et dans le hadith rapporté par l'imam muslim selon Abi Saïd, le messager d'Allah alayhi salatu wa salam nous dit: puis on placera le pont As-Sirat au-dessus de l'enfer. Et ce sera le moment d'intercéder. Les gens et tous les gens diront alors: Allahumma sallim sallim. Ou oh Allah, épargne-nous, épargne-nous. Et alors les compagnons dirent: Ya Rasulallah, qu'est-ce donc que ce pont? Et alors il répondit sallallahu alayhi wa sallam: un chemin très glissant. Un chemin très glissant. فنسأل الله أن يثبت أقدامنا. Un chemin très glissant, ayo l'ikhwa. Les pieds ne parviennent pas à rester dessus. Les pieds auront du mal à rester sur ce pont. Un chemin très glissant. Puis nous dit le prophète alayhi salatu wa salam: se trouvent sur ce pont des pinces et des tenailles ressemblant aux épines de sardaines. Puis les croyants, al-mu'minoun, passeront au-dessus de ce pont. Il y en aura alors qui passeront à la vitesse d'un clin d'œil, d'autres qui passeront à la vitesse d'un éclair, d'autres qui passeront à la vitesse du vent, d'autres qui passeront à la vitesse d'un oiseau, d'autres qui passeront à la vitesse de chevaux rapides. Puis le prophète alayhi salatu wa sallam nous dit: il y aura des saints et saufs, des sauvés, mais il y aura également des déchirés, mais qui auront réussi à s'en tirer, et il y aura des jetés dans le feu de l'enfer. Tel est l'état et la situation des gens et des croyants quant à leur passage sur le pont As-Sirat. Et les gens passeront alors à une vitesse différente, ayo l'ikhwa. Et sur ce pont se trouvent des pinces et des tenailles, telles les épines de sardaines. Et ces épines sont puissantes et solides, ayo l'ikhwa. Pourquoi cela? Afin d'attraper les gens. Afin de s'emparer des croyants. Afin de déchiqueter les croyants. Sachez, ayo l'ikhwa, que le premier qui passera sur le pont, le premier homme qui passera dessus, n'est autre que le Seigneur des hommes, Imam al-Nabiyyin wa Sayyidul Khalq, sallallahu alayhi wa sallam. Et la preuve est tirée dans le hadith rapporté dans les deux recueils authentiques selon Abi Huraira, radiyallahu anhu. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit: puis le pont As-Sirat sera placé au-dessus de l'enfer. Je serai alors le premier à le traverser. اللهم ارحمنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم la meilleure des créatures, le plus noble des messagers, حبيب الله صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين, passera sur le pont As-Sirat. Alors que pensez-vous et qu'en est-il de ceux qui sont au-dessous de lui? فيا عبد الله, sois sûr et sois certain et convaincu que tu passeras un jour sur le pont As-Sirat si tu es parmi les croyants et les mu'minoun. Puis Al-Habib al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam nous dit: je serai alors le premier à passer, et à ce moment-là l'invocation des messagers sera: Allahumma sallim sallim. Ô Allah, préservez-nous, épargnez-nous. Les prophètes et les messagers, ayo l'ikhwa, invoqueront ainsi Allah avec cette invocation, supplieront Allah qu'Allah épargne les croyants. Et l'invocation des messagers sera à ce moment-là: Allahumma sallim sallim. Puis il dit ensuite alayhi salatu wa salam: et s'y trouvent des pinces et des tenailles, des pinces telles les épines de sardaines. Puis il dit aux compagnons: avez-vous observé les épines de sardaines? Et alors ils répondirent: oui, ya Rasulallah. Il dit: il y aura des pinces telles des épines de sardaines, sauf que personne ne connaît leur taille excepté Allah tabaraka wa ta'ala. Et ces pinces, ayo al-ahbab, attraperont alors les gens, saisiront les gens, s'empareront d'eux selon leurs actions. Ainsi, il y en aura qui seront sauvés grâce à leur action. Et d'autres qui seront accrochés mais qu'ils s'en échapperont. Et telle est la description d'Al-Habib al-Mustafa à propos de ce pont à Sirat qu'Allah placera au-dessus de l'enfer. Et ne connaît la longueur de ce pont qu'Allah tabaraka wa ta'ala ne connaît la longueur de ce pont que le Créateur et le Seigneur tabaraka wa ta'ala. Plus fin qu'un cheveu, plus aiguisé qu'une épée et qu'un sabre, tout le monde passera au-dessus, en commençant par la prière des personnes sallallahu alayhi wa sallam, puis ce sera le tour d'Al-Anbiya et le tour d'Al-Mursalin, des prophètes et des messagers, de passer sur ce pont. Puis après, ayol ikhwa, viendra le tour des croyants de Ummat al-Islam, de la communauté musulmane, puis ensuite les croyants des autres communautés. Tout le monde, ayol ikhwa, passera sur le pont As-Sirat. Comme Allah Jalla wa Ala nous dit, wa in minkum illa wariduha. Wa in minkum illa wariduha. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera point par le pont. وَإِن مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْدِيًّا. Car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. ثُمَّ نُنَجِّ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِفِيًّا. Puis nous délivrerons ceux qui auront été pieux et nous y laisserons les injustes agenouillés. Et nous abandonnerons les injustes agenouillés. Alors comment traverseront les gens? Comment passeront sur ce pont les gens? Comme vous avez entendu dans le hadith de Abi Saïd, parmi les croyants al-mu'minoun, il y en a qui passeront alors à la vitesse d'un clin d'œil. Allahumma ja'alna minhum. Il y en a parmi eux qui passeront à la vitesse d'un clin d'œil, d'autres qui passeront à la vitesse de l'éclair, d'autres à la vitesse du vent, d'autres à la vitesse de l'oiseau, d'autres à la vitesse de chevaux rapides, d'autres qui courront, d'autres qui marcheront, et d'autres qui ne marcheront qu'à quatre pattes. Comme il a été cité dans le recueil authentique de l'imam muslim selon Abi Hurayrata radiallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salat wa salam nous dit, jusqu'à ce que ne vienne un homme qui ne puisse marcher que sur quatre pattes. Il cita le pont à Sirat et les catégories des croyants selon leurs différentes vitesses. Puis il nous dit alayhi salat wa salam, jusqu'à ce que ne vienne un homme ne pouvant marcher que sur ses quatre pattes. Imaginez-vous, ya ibad Allah, marchant sur ses mains, marchant sur ses pieds, sur ce pont tranchant, aussi tranchant qu'une épée et qu'un sabre, et aussi fin qu'un cheveu. Et cette différence, ayo al-ikhwa, parmi les croyants al-mu'minin, sera due à leurs actions, dépendra de leurs actions, dépendra de leurs efforts qu'ils auront accomplis dans ce bas monde ad-dunya. Ainsi, celui qui était le plus rapide à effectuer le bien, celui qui était le plus rapide à effectuer les obligations, celui qui était le plus rapide à délaisser les interdits d'Allah, celui qui était le plus rapide à effectuer les actions mustahabbat, préférables dans ce bas monde ad-dunya, il sera plus rapide que les autres sur le pont Sirat. Il aura une plus grande vitesse. Car plus la personne, ayol ikhwa, sera rapide sur le pont Sirat, il faut qu'elle sache que plus elle sera rapide, plus elle sera assurée d'être préservée du feu de l'enfer, wal'ayadu billah. Et plus elle sera protégée des pinces et des tenailles. Et les gens aujourd'hui désirent conduire les meilleures voitures et obtenir les voitures les plus rapides. Et ils disent que nous sommes à l'époque de la modernité, de la rapidité. Mais ont-ils pensé et ont-ils réalisé la véritable valeur de la vitesse sur le pont à Sirat? Alors as-tu pensé à ton cas, ya Abdallah? De quelle catégorie feras-tu partie? Passeras-tu sur le pont à la vitesse d'un clin d'œil? Passeras-tu sur le pont à la vitesse d'un éclair? Passeras-tu sur le pont à la vitesse d'un oiseau? Ou à la vitesse du vent? Ou à la vitesse de chevaux rapides? Ou bien à une vitesse moins élevée? Naram ayu al-ikhwatul kiram. Les croyants se différencieront et se distingueront ainsi selon leur vitesse. Et c'est pourquoi Allah Jalla wa Ala nous a exhortés et nous encourage à se devancer et à se dépasser quant à l'accomplissement des bonnes actions et des bonnes œuvres. Allah Jalla wa Ala nous dit وَسَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. Et concourez au pardon et précipitez-vous vers le pardon de votre Seigneur et vers un jardin aussi large que les cieux et la terre. Et Allah Jalla wa Ala nous dit à propos des serviteurs croyants, al-mu'minoun, أُولَٰئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ. Ce sont ceux-là qui se précipitent vers les bonnes œuvres et sont les premiers à les accomplir. Et Allah nous dit فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. Précipitez-vous et concourez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres. Les bonnes actions, ayol ikhwa, sont soit obligatoires, et la priorité est d'effectuer l'action obligatoire au moment où Allah Jalla wa Ala nous l'a démontré. Car premièrement, awwalan ayol ikhwa, al-aslu fil amr al-wujub. L'origine et la base dans l'ordre, c'est l'obligation. Et l'acte sans délai, ou al-fawriya. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, nous dit, vous ne savez pas ce qui peut vous arriver. Ainsi, les bonnes actions obligatoires sont obligatoires d'être effectuées sur le moment. Quant aux actions conseillées et préférables, al-mustahabbat, le fait de se précipiter à les effectuer te garantira, ya Abdallah, une grande vitesse sur le pont à Sirat. Ainsi effectuer les actions conseillées et les actions préférables. Et attention à Yolikhwa, de délaisser ces bonnes actions. Attention à la fainéantise et à la paresse. Cette paresse qui est devenue de nos jours, Yolallah, plus aimée que le miel al-Asad. Alors que la paresse est une des caractéristiques et un des attributs des hypocrites al-Munafiqin. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit en ce qui concerne al-Munafiqoun, وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَةً. Et lorsqu'ils se lèvent pour la prière, ils se lèvent avec paresse. يُرَاؤُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. Et par ostentation envers les gens, et à peine invoquent-ils Allah. Ainsi, cette différence avec les croyants et la distinction qu'il y aura entre ces gens reviendra et dépendra des actions qu'ils auront accomplies dans ce bas monde ad-dunya. Alors, ya Abdallah, viens donc plutôt pour les prières à salawat. Précipite-toi à donner les aumônes obligatoires aux surrogatoires. Et avec cela, tu pourras passer rapidement sur le pont Sirat. Sur ce pont, ya Ibadallah, se trouvent des pinces et des tenailles. Ces pinces et ces tenailles accrocheront et attraperont les gens selon leurs actions. Ces pinces et ces tenailles, ya Yolikhwa, auront été installées et placées sur ce pont Sirat, destinées et réservées pour les désobéissants et les pécheurs, al-Usa. Elles accrocheront Allah, et elles attraperont Allah, et elles s'empareront Allah des gens, ya Yolikhwa, de celui qui aura adoré quelque chose en dehors d'Allah. Elles attraperont alors celui qui aura délaissé la prière à salat. Elles attraperont alors celui qui n'a pas donné la zakat. Elles attraperont alors celui qui aura déclaré la guerre à Allah Jalla wa Ala dans ce bas monde ad-dunya. Comme nous le dit le prophète alayhi salat wa salam. وَمِنْهُمْ نَاجٍ مُسَلَّمْ وَمِنْهُمْ مَخْدُوشٌ مُرْسَلٍ. Et parmi eux, le déchiqueté. Le déchiqueté. Les états des gens, les états des croyants et al-ikhwa sur le pont As-Sirat lorsqu'ils sont en train de passer à travers ce pont. Parmi eux, le déchiqueté par ses pinces et par ses tenailles afin de déchiqueter sa peau et de couper ses membres et de déchirer sa chair jusqu'à le rendre comme des poussières éparpillées. وَلَيَّذُ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلْ. Parmi eux, le déchiqueté, mais qui aura réussi à s'enfuir. Comme nous le dit le prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a appelé déchiqueté mardouche, car il sera attrapé, mais il sera sauvé par la miséricorde d'Allah Jalla wa Ala. Qui est-il? Qui est-il, ayol ikhwa? Qui est-il celui qui sera déchiqueté et dont la peau sera déchirée, et dont la peau sera déchirée, les membres coupés sur le pont As-Sirat à cause de ses pinces, à cause de ses tenailles? Qui est-il, ayol ikhwa? Celui qui sera sauvé malgré cela par la miséricorde d'Allah Jalla wa Ala sera celui qui aura adoré Allah et qui aura jeûné et qui aura prié et qui aura donné l'aumône et effectué al-hajj. Sauf qu'il aura accompli des grands péchés. Sauf qu'il aura accompli les grands péchés et à qui Allah Jalla wa Ala ne lui aura pas pardonné. Il aura accompli les grands péchés et Allah ne l'aura pas purifié de ses péchés. Ou bien c'est celui qui accomplissait les actions obligatoires, mais avec manque et imperfection. Et ainsi il y avait des manques et des défauts dans ses obligations. Ou bien celui qui effectuait la prière, ou celui qui effectuait sa purification à Tahara, mais avec des défauts. Ou celui qui avait effectué Al-Hajj, mais il ne le fit pas correctement sans excuse valable. Celui-là sera déchiqueté sur le pont As-Sirat. Celui-là sera déchiré sur le pont As-Sirat. Ses pinces et ses tenailles l'attraperont là, afin de déchiqueter sa chair, et afin de déchirer sa peau, et afin de couper ses membres. Il passera alors avec ses blessures, et il pleurera là, et il criera là, et il souffrira là, à cause de ses pinces, et à cause de ses tenailles, wal'iyadu billah. Les gens aujourd'hui, ayol ikhwa, sont tristes, sont angoissés, sont anxieux, sont stressés, car ils n'ont pas terminé de construire leur villa. Car ils n'ont pas encore acheté leur nouvelle voiture. Mais ils ne sont pas tristes de perfectionner leurs actions, de compléter leurs actions et leurs adorations. Mais ils ne sont pas angoissés quant à leur compte et quant à leur livre de bonnes et de mauvaises actions. Ceux-là seront déchiquetés sur le pont Sirat. Wal'iyadu billah, par ses pinces et ses tenailles, comme nous le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi eux, il y aura le déchiqueté. Et parmi eux également, al-mubiqu bi'amali. Il y aura celui qui sera perdu à cause de ses actions. Et telle est la troisième catégorie de personnes, celui dont les actions l'auront fait périr. Ainsi, lorsque les pinces l'attraperont, et lorsque les tenailles le tiendront, et lorsque ses pinces et ses tenailles s'empareront de lui, elles ne le lâcheront que dans l'enceinte de l'enfer. Elles ne le lâcheront que dans le fin fond feu de l'enfer, wa la yadu billah. Ses pinces l'emmèneront directement en enfer, car il n'était pas parmi ceux qui méritaient d'être sauvés, car il n'était pas parmi ceux qui méritaient d'être épargnés et préservés sur le pont Sirat. Et il faut savoir, ayyuhal ikhwa, qu'Allah tabaraka wa ta'ala a confié à ses pinces et à ses tenailles cette tâche, mais sachez que ces outils ne bougent pas d'eux-mêmes. Ces outils ne bougent pas selon leur volonté, mais elles reçoivent les ordres de leur créateur tabaraka wa ta'ala. Comme il a été cité dans le recueil authentique de l'imam muslim, selon Abi Huraira radiallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wa salam nous dit: au bord du pont Asirat se trouvent des pinces accrochées, elles reçoivent l'ordre d'attraper celui qui doit être pris. Il y aura ainsi des déchiquetés et des épargnés et des perdus à cause de leurs actions. Et ces pinces ne se trompent point, ayyuha l'ikhwa. Et ces pinces ne sont point injustes envers ceux qu'elles attrapent, car celui qui leur donne cette tâche et celui qui leur donne cette mission n'est autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est comme cela qu'elles attraperont les gens, en fonction de leurs actions et en fonction de leurs œuvres. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. Et Allah n'est point injuste envers personne. Et la peur augmente, et l'angoisse s'accroît, et le danger s'intensifie, ayyuhal ikhwa, au moment où Allah tabaraka wa ta'ala ordonne au lien de parenté silatul rahim et à la responsabilité et au dépôt al-amana de se placer aux côtés du pont Asirat. Comme il a été cité dans le recueil authentique de l'imam muslim, selon Abi Huraira radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit: puis les liens du sang silatul rahim seront envoyés et placés aux côtés du pont Asirat, à droite et à gauche. Allah enverra ainsi les liens de parenté et du sang et de la famille, silatul rahim, et la responsabilité et le dépôt al-aman, à droite et à gauche du pont Asirat, qui demanderont ainsi aux gens et aux croyants de régler leurs comptes. Les liens de parenté ainsi seront envoyés à droite et à gauche du pont Asirat, ces liens de parenté qui ne cessent d'invoquer leur Seigneur, Jalla wa Ala, en leur disant: oh Allah, lis celui qui me lira, et coupe celui qui me coupera. Et Allah lui répondit: tu auras certes cela. Dans un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari et d'autres, ainsi celui qui coupe les liens du sang et les liens de parenté de sa famille, sa perdition aura lieu et commencera sur le pont Asirat. Et l'injuste et le traître envers la responsabilité et son dépôt amana ne passera jamais paisiblement sur ce pont Asirat. Celui qui coupe les liens du sang, ayyuhal ikhwa, sa perdition commence dès lors. Sa perdition débute à ce moment-là. Le lien du sang se mettra à travers son chemin afin de lui demander son droit. A-t-il effectué ce qu'il fallait? S'il a visité sa famille dans ce bas monde ad-dunya, s'il a lié les liens de parenté avec sa famille dans ce bas monde, il sera sauvé. Mais s'il ne l'a pas fait, il sera perdu et parmi les perdants et précipité dans le feu de l'enfer. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهِ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَرَهُمْ. Si vous vous détournez, ne risquez-vous pas de semer la corruption sur terre et de rompre votre lien de parenté? Ce sont ceux-là qu'Allah aura maudit et aura rendu sourds et aura rendu leurs yeux aveugles. Allah Jalla wa Ala ayyuhal ikhwa nous a ordonné de lier et de respecter les liens de parenté et du sang, même si ce sont avec des gens qui ne sont pas musulmans. Car certaines personnes à qui Allah Jalla wa Ala a accordé le bienfait de l'hidayah, de la guider, et de l'iltizam et de la pratique de la religion d'Allah et Jalla wa Ala n'ont pas compris la religion d'Allah. Et ils prétendent rompre les liens de parenté pour Allah avec des gens qui désobéissent à Allah et Azza wa Jal. Mais ceci n'est pas comme cela, ayyuhal ikhwa. Les gens de ta famille, même s'ils sont désobéissants, même s'ils désobéissent à leur Seigneur, tabaraka wa ta'ala, il est obligatoire et il est incombatoire d'être en contact avec eux et d'aller les voir et de rendre visite à eux. Et il t'interdit de couper ce lien de parenté. Et même s'ils sont mécréants, il est obligatoire avec toi de les visiter. Alors qu'en est-il s'ils sont musulmans, muslimoun? Il est donc obligatoire, ya ibadallah, de lier nos liens de parenté et de ne pas les couper, de ne pas les rompre. Mais si ces gens-là t'incitent à faire une chose illicite, si ces gens-là t'incitent à faire une chose haram, à participer à un mariage libertin, ou bien à une fête perverse, ou d'autres choses ressemblant à cela, alors n'y va pas. Et ne réponds pas à leur invitation, même si après cela, ils ne veulent plus te voir. Mais s'ils ne veulent plus te voir, va aller voir ton maître, afin de relier encore les liens de parenté et de ne pas les rendre rompus et coupés. Car nous savons que parmi beaucoup de musulmans, beaucoup de frères sont éprouvés par ce genre de problèmes et de difficultés. Naam ayol ikhwa. Il y a beaucoup de problèmes ayol ikhwa avec ces gens et ces proches de nos familles qui sont loin d'Allah Jalla wa Ala. Tout cela parce que nous avons commencé à pratiquer et à obéir aux ordres d'Allah Jalla wa Ala et à suivre le chemin et la tradition du messager d'Allah alayhi salatu wa salam. Mais nous ne nous mélangeons pas hommes et femmes. Mais nous n'assistons pas à leur fête, ni à leur mariage. Et à ce moment-là, commencent les problèmes. Et à ce moment-là, commencent les difficultés avec cette famille. À ce moment-là, il est obligé de ne pas assister, de ne pas se mélanger avec eux, mais de préserver et de respecter ses liens de parenté. Et toujours d'essayer, de tenter, de relier ses liens. Naram. Mais par contre, si tu es invité à un mariage interdit, il t'est interdit pour toi d'assister à ce mariage, même si ce mariage est le mariage de ton frère. يقول الله تبارك وتعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعد معهم حتى يخوض في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. Dans ce livre, il vous a déjà été révélé que lorsque vous entendez qu'on renie les versets d'Allah et qu'on s'enraille, c'est-à-dire qu'on les prend en moquerie et en plaisanterie, ne vous asseyez point avec eux jusqu'à ce qu'ils entreprennent une autre conversation. Et sinon, vous serez semblable à eux. Allah rassemblera certes les hypocrites et les mécréants en enfer ensemble. Ainsi tout dans les limites de l'islam. Et personne ne sera utile, même ton père et ta mère, le jour de la résurrection. Mais dans les autres situations, tu te dois de les visiter. Et tu te dois de les lier et de respecter ces liens de parenté. Et si tu as le droit de préserver le lien de parenté sans approfondir, il ne faut pas approfondir. Car ces gens-là, les musulmans qui désobéissent à Allah, tabaraka wa ta'ala, ne méritent pas que l'on se donne pleinement à eux et pleinement à se lier avec eux. S'ils étaient mécréants encore, on comprendrait. Car il n'y a pas de pire péché que la mécréance et le kufr. Mais ceux-là sont des musulmans qui se réfèrent à cette religion, qui se prétendent être musulmans et qui contredisent la vérité al-haq tout en le sachant. Et ils veulent ainsi suivre leurs coutumes et leurs traditions qui contredisent al-Qur'an et la sunna. Ainsi le lien de parenté silatul rahim se placera à côté du pont as-sirat, à droite ou à sa gauche, te demandant ses droits. Et il faut que les visites avec la famille soient dans les deux sens, non pas d'un seul sens, non pas de simplement et uniquement du plus petit, mais du grand et du petit, et du noble et du modeste, et du riche et du pauvre. Écoutez ce hadith ayol yahwa, qui fait installer dans nos cœurs la peur et l'effroi, et qui fait trembler et frissonner les peaux. Al-Imam al-Bukhari ou al-Imam muslim nous rapporte un hadith selon Jubayr ibn Mut'im radiallahu anhu. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit: ne rentre pas au paradis celui qui coupe les liens de parenté. Ne rentre pas au paradis celui qui coupe les liens de parenté. Il ne rentrera point au paradis al-Jannah. Et sa perdition et sa perte et son péril commencent à partir du pont as-Sirat. Les pinces et les tenailles l'attraperont là et s'empareront de lui et le tiendront et le saisiront afin de l'emmener, de l'entraîner au feu de l'enfer. Puis se lève la responsabilité et le dépôt al-Aman. Elle se lève et elle se tient et elle se dresse à côté du pont as-Sirat afin de te demander ses droits. Al-Aman, ainsi quel malheur à celui qui ne fut pas à la hauteur. Wal-Aman, ayol ikhwa. La responsabilité, le dépôt, est une chose générale. Celle-là comprend également, elle comprend notamment la religion ad-din. La religion est une responsabilité. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit: Inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ardi wal-jibal. Nous avions proposé aux cieux, à la terre et aux montagnes, la responsabilité et le dépôt, c'est-à-dire de porter les charges, de faire le bien et d'éviter le mal. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. Ils ont refusé de la porter. Ils en ont eu peur. وحملها الإنسان. Alors que l'homme s'en est chargé. L'homme s'est chargé de cette responsabilité. L'homme s'est chargé de ce dépôt. وحملها الإنسان. L'homme s'est chargé de s'en charger. إنه كان ظلوما جهولا. Et il est très injuste envers lui-même et il est très ignorant. Et Allah Jalla wa Ala nous dit: Ya ayyuhalladhina amanu, la takhunu Allah wa al-Rasul, wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Ô vous qui croyez, ne trahissez point Allah et son messager, et ne trahissez point les confiances et les responsabilités qu'on a placées sur vous, alors que vous le savez. La religion est donc une responsabilité amana et un dépôt que le croyant al-mu'min a envers les gens. Et ton corps, ya Abdallah, ton corps humain est également un dépôt et une responsabilité. Allah t'en a donné une responsabilité et Allah te questionnera à propos de tes membres. Qu'as-tu effectué avec? Comment t'es-tu comporté avec? C'est pourquoi tu n'es pas libre de faire ce que tu veux avec ton corps ou avec ton apparence. Il faut que ton corps et ton apparence suivent ce que veut ton Créateur et ton Seigneur, tabaraka wa ta'ala. Ainsi, si tu es un homme, tu te dois de porter la barbe al-lahya, et car celui qui t'a prescrit de le faire ne sont pas les terroristes al-irhabiyyin, mais ce n'est certes que le Seigneur de l'univers, Rabbul Alami, et le messager d'Allah, Sayyidul Mursali, sallallahu alayhi wa sallam. Et si tu es une femme, tu te dois ainsi de te préserver, et de couvrir et de cacher tes cheveux, et ton corps et le reste de ton corps, car Allah t'a ordonné cela. Telle est une responsabilité sur toi, ya Abdallah. Allah Jalla wa Alim dit, إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادِ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. L'ouïe, la vue et le cœur, sur tout cela en vérité on sera interrogé. On sera interrogé. Et parmi les dépôts et les responsabilités, le gouvernement, la présidence, l'émirat, l'imam, celui qui dirige un peuple, la responsabilité le rencontrera sur le pont sera. Si tu gouvernes un peuple, si tu présides, si tu es imam d'une mosquée, ou bien ne serait-ce que l'homme de la famille, ou propriétaire d'une société, Allah te demandera des comptes sur ses responsabilités. Si tu as accompli cette responsabilité comme Allah le voulait, tu seras alors sauvé et en sécurité sur le pont Sirat. Mais si ce n'est pas le cas, ya Abdallah, te tiendront alors les pinces et les tenailles, et te déchiqueteront les pinces et les tenailles, et tu seras emmené et conduit au feu de l'enfer, wal'iyadu billah. Méfie-toi, ya Abdallah. Fais donc attention, car si tu trahis la responsabilité que tu as envers ta famille, tu seras questionné le jour de la résurrection à propos de ta femme et de tes enfants. Est-ce qu'ils sont dans la religion d'Allah? Est-ce qu'ils prient? Est-ce qu'ils jeûnent? Est-ce que ces femmes ou ces filles portent le hijab? Si tu es à la hauteur de cette responsabilité et que tu rencontres l'aman sur le pont As-Sirat, tu seras alors sauvé bi-idhnillahi azza wa jal. Mais si ce n'est pas le cas, si tes enfants ne prient pas, si toi tu pries, mais tes enfants ne prient pas, si toi tu jeûnes, mais tes enfants ne jeûnent pas, si tes filles ne portent pas al-hijab et sont tentatrices et dévoilées et dénudées, alors malheur à toi. Malheur à toi, et wallah, car tu auras trahi ta responsabilité al-amana. Tu auras trahi ce dépôt, et ainsi tu seras saisi par les pinces et les tenailles sur le pont As-Sirat, et tu seras conduit et emmené au feu de l'enfer. C'est pourquoi l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim nous rapportent un hadith. Selon Mi'qal ibn Yasir radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il n'y a pas un homme à qui Allah lui confia une responsabilité qui meurt en la trahissant sans qu'Allah lui interdise le paradis. Il n'y a pas un homme à qui Allah lui a confié une responsabilité et qui meurt en la trahissant sans qu'Allah ne lui interdise le paradis. Et parmi les responsabilités également, ayol ikhwa, les emprunts que les gens se font entre eux, que cela soit à partir de l'argent, ou bien de l'or, ou bien de la vaisselle, n'importe quoi, si une personne emprunte quelque chose, il lui est obligatoire de la rendre. Tel est le dépôt et la responsabilité. Allah Jalla wa Ala nous dit, إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. Certes, Allah vous commande de rendre les dépôts à leur ayant droit. Alors observe ton cas, ya Abdallah. Juge ton âme. Regarde tes œuvres. Regarde ton comportement. Lorsque tu passeras sur son pont, As-Sirat. Lorsque tu passeras sur ce pont, ya Abdallah. Ce pont qui est plus fin qu'un cheveu. Ce pont qui est plus tranchant qu'un sabre et qu'une épée. Ce pont placé sur l'enfer, Nar ou Jahannam. Imagine-toi, ayol akh, en train de regarder au-dessous de ce pont. Tu verras alors le feu de l'enfer sous tes pieds. Noir et ténébreux. Ses flammes sont encore énormes. Son bruit te fera mal aux oreilles. Lorsque tu mettras ton pied sur ce pont, tu sentiras son tranchant. Naam, tu placeras alors l'autre pied, et alors tu seras lourd à cause de tes péchés, Abdounou. Ton cœur battra énormément vite, tes pieds trembleront alors, sauf celui qu'Allah Jalla wa Ala aura apaisé. Tu apercevras alors les gens tomber à droite et à gauche de ce pont. Tu apercevras alors le feu de l'enfer. Tu apercevras alors les pinces et les tenailles qui saisiront les gens et qui déchiqueteront les membres des gens. Ils tomberont alors dans le feu de l'enfer. Les gardiens les attraperont. Les gardiens les tiendront et les saisiront avec les feux, le fer et le hadith et les chaînes al-salasi. Sauf celui qu'Allah aura comblé de miséricorde. Quelle dangereuse situation, ya Allah! Quelle scène horrible! Quel étroit passage! Quelle situation décisive, ya Allah! Et qu'Allah fasse miséricorde à celui qui nous dit, Mon âme n'a pas voulu se repentir. Quelle solution dois-je adopter? Lorsque les seigneurs seront devant Allah le parfait, alors que de leur tombe, ivres ils seront ressuscités, et avec des montagnes de dhunoub de péché. Et alors que le pont As-Sirat aura été dressé, il y en a qui tombent ayant glissé, et d'autres à la demeure du paradis auront avancé. Et les mariés les rencontrent enchantés, et Allah en l'appelant m'ont rapproché. Ne te soucie plus, je t'ai pardonné tous tes péchés. Ibad Allah, ayyuhal ikhwatul karam, le pont As-Sirat est le plus dangereux, est le plus périlleux moment de l'au-delà al-akhirah. Celui qui sentira aura le paradis al-jann, et celui qui glissera wal-ayyadu billah sera parmi les perdants al-khasiri. C'est pourquoi le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dit et nous a dit qu'il passera dessus. Et que lorsque l'a questionné Anas radiallahu anhu, qu'il l'intercède en sa faveur, il lui répondit alayhi salatu wa salam, je le ferai incha'Allah. Et alors Anas ibn Malik radiallahu anhu lui dit, et si je ne te trouve pas? Alors il lui dit, je serai au niveau de la balance al-mizan. Il lui dit, et si je ne te trouve pas? Il lui dit, je serai au niveau du bassin al-hawd. Il lui dit, et si je ne te trouve pas? Il lui dit, je serai au niveau du pont As-Sirat. Car je passerai inévitablement par ces trois endroits. Et le hadith est rapporté par l'imam al-Tirmidhi et authentifié par Sheikh al-Albani selon Anas radiallahu anhu. C'est pourquoi le messager d'Allah alayhi salatu wasalam intercédera en la faveur de celui qui mérite l'intercession al-Shafa'a, même sur le pont As-Sirat. Et cette intercession fait partie de celle qu'on lui accordera alayhi salatu wasalam, afin qu'il intercède pour sa communauté. As'alullah jalla wa ala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula an yuthabbit aqdamana ala as-sirat innahu waliyu dhalika wal qadir alayh. Et en tenant ces propos, j'implore le pardon pour Allah, j'implore le pardon pour moi ainsi que pour vous. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wahdahu, والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من صار على ضربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. عباد الله، سخط الله جل وعلا نتي، وَإِمْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par ce pont. وَإِمْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا. Car il s'agit pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. ثُمَّ نُنَجِّ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَظَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا. Ensuite nous délivrerons ceux qui auront été pieux, et nous y abandonnerons et nous y délaisserons les injustes agenouillés. Et le fait de passer al-murur, ayo al-ikhwa, comme l'ont dit la plupart des savants et les ulama, est de deux types. Il y a le passage d'al-mushrikoun, d'al-kafiroun, des polythéistes, vers le feu, et c'est-à-dire leur entrée vers le feu de l'enfer, et le passage des croyants al-mu'minoun sur le pont As-Sirat. Wa im minkum illa wariduha. Il n'y a personne parmi vous qui n'y passera pas, c'est-à-dire sur le pont As-Sirat. ثُمَّ نُنَجِّ الَّذِينَ اتَّقَوْا. Ensuite nous délivrerons ceux qui auront été pieux. وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا. Et nous abandonnerons les injustes agenouillés. Ce verset, أيها الإخوة الكرام, ce verset étonnant, ce verset angoissant, ce verset inquiétant, a empêché les savants de dormir. A empêché les savants al-ulama de dormir. A fait pleurer les pieux al-muttaqin. Al-imam ibn Kathir rahimahullah nous dit, lorsque Abu Maysara, un des tabi'in rahimahullah, allait dans son lit, il pleurait. Il pleurait et il disait, j'aurais aimé que ma mère ne m'enfonce pas. Il pleurait fortement. Et alors on lui dit, qu'est-ce qui te fait pleurer, ya Aba Maysara? Et alors il dit, rahimahullahu ta'ala, Allah nous a informé que nous passerons par le feu, mais Allah ne nous a pas informé que nous nous en sortirons. Allah nous a informé que nous passerons au-dessus du feu, mais il ne nous a pas informé que nous en sortirons. Allahu Akbar, ayyuhal al-ikhwa. Et des prédécesseurs à Salafu Salih ont vu un jour quelqu'un rigoler et lui dire, tu rigoles? Sais-tu que tu passeras au-dessus du feu? Il répondit, oui. Il lui dit, réalises-tu que tu en sortiras? Et as-tu la certitude et la sécurité que tu en sortiras? Il répondit, non. Il dit, alors pourquoi rigoles-tu alors? Et on ne vit alors plus jamais cet homme rigoler jusqu'à ce qu'il mourut. On ne vit plus alors jamais cet homme rigoler jusqu'à ce qu'il mourut. Et alors, ayyuhal ikhwa, qui est donc la dernière personne qui passera sur le pont As-Sirat, Tous les croyants al-mu'minun passeront, ayyuhal ikhwa. Avec cette différence et cette distinction dans leur vitesse, puis viendra le tour du dernier, afin de passer et de traverser le pont As-Sirat, comme ceci a été cité dans le recueil authentique d'Al-Imam Muslim. Selon Abdillah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, nous dit, le dernier homme qui rentrera au paradis est un homme marchant sur le pont As-Sirat. Il marche une fois, et il tombe sur ses genoux une autre fois, et le feu le brûle une autre fois, jusqu'à ce qu'il s'en sorte, et traverse le pont As-Sirat. Et il se retourne alors et il dit, qu'on exalte la bénédiction de celui qui me sauva de toi. Allah me donna quelque chose qu'il ne donna à aucun parmi les premiers et les derniers. Et alors on lui montre un arbre qu'il voit au loin. Et il s'adresse à son Seigneur et lui dit, « Ya Rab, ô mon Seigneur, rapproche-moi de cet arbre, afin que je mette sous son ombre, et afin que je boive de son eau, et je ne te demanderai plus rien après cet arbre. » Et alors Allah le rapprochera alors de cet arbre. L'homme s'ombragera alors sous cet arbre, et boira alors de son eau. Puis Allah lui montrera un deuxième arbre, meilleur que le premier. Et alors il dira, « Ya Rab, ô mon Seigneur, rapproche-moi de celui-ci, afin que je me place sous son ombre, et afin que je boive de son eau. » Et alors Allah Jalla wa Ala lui dira, « Ne m'as-tu pas promis que tu ne me demanderais plus après cet arbre ?» Et alors il dit, « Seigneur, je te ne demanderai plus autre chose après celui-ci. » Et son Seigneur acceptera son excuse. Car l'homme verra ce dont il n'a aucune patience. Et il le rapprochera alors de cet arbre. Et alors il boira de son eau, et il se placera sous son ombre. Puis on lui montrera un troisième arbre, meilleur que les deux premiers, qui sera placé tout près du paradis Al-Jannah. L'homme demandera alors, « Ya Rabbi, mon Seigneur, rapproche-moi de celui-ci. » Allah lui dira alors, « Ne m'as-tu pas promis que tu ne me demanderais rien après le premier arbre ?» Et alors il dira, « Seigneur, je te ne demanderai plus autre chose après cet arbre. Rapproche-moi de celui-ci, afin que je me place sous son ombre et afin que je boive de son eau. » Et son Seigneur acceptera son excuse, car l'homme verra ce dont il n'a aucune patience. Et il le rapprochera alors de cet arbre, qui se trouve près du paradis Ayyuhal Ikhwa, qui se trouve près des portes du paradis Al-Jannah. Et lorsqu'il se placera sous cet arbre, il entendra les voix des gens du paradis. Il entendra les voix d'Ahlil Jannah. Et alors il dira, « Ya Rab, fais-moi rentrer. Ya Rab, fais-moi rentrer au paradis. » Allah tabaraka wa ta'ala lui dira alors, « Ya ibn Adam, que désires-tu de ma part ?»« Ya ibn Adam, que désires-tu de ma part ? Serais-tu satisfait si je t'accorde le bas monde ad-dunya et encore une fois ?» Et l'homme répondra alors, « Seigneur, te moques-tu de moi alors que c'est toi le Seigneur de l'univers, Rabbul Alamin ?» Et alors Allah Jalla wa Ala lui répondra, « Je ne me moque pas de toi, mais de ce que je veux, je fais. » Ibn Mas'ud radiallahu anhu rigola alors à ce moment. Et il demanda aux compagnons auxquels il a énoncé ce hadith, « Ne me demandez-vous pas pourquoi est-ce que je rigole ?» Et alors ils dirent, « De quoi rigoles-tu » Et alors il dit, radiallahu anhu, « Certes, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il nous énonça ce hadith, rigola. » Et alors on lui questionna, « Ya Rasulallah, pourquoi as-tu rigolé ?» Et alors Al-Habib al-Mustafa, alayhi salatu wassalam, leur dit, « Je rigole du rire du Seigneur de l'univers lorsque son serviteur lui dira, « Te moques-tu de moi alors que c'est toi le Seigneur de l'univers ?» Et il lui dit, « Je ne me crois de toi, mais de ce que je veux, je fais. » Tel est le dernier homme, ayyuhal ikhwa, qui aura traversé le pont As-Sirat. Le dernier homme a passé le pont As-Sirat, mais nous ne savons pas de quelle communauté il appartient. Et à ce moment-là, ainsi, tout le monde sera passé. Al-Anbiya wal-Mursaloun, les prophètes et les messagers. La communauté musulmane parmi ceux à qui Allah Jalla wa Ala aura permis et aura préservé sur ce point Sirat, ainsi que les autres croyants et ayant suivi les autres messagers. Tout le monde aura passé le pont Sirat. Tout le monde sera passé par ce pont. Et tous ces gens ayant l'Ikhwa, arrivés à cette destination, auront été sauvés et préservés et auront réussi cette dernière épreuve ayant l'Ikhwa. Ainsi, dès lors et dès maintenant, rentreront-ils au paradis Al-Jannah ? Là. ils seront en face d'un deuxième pont. Naam, ils seront en face d'un deuxième pont avant d'arriver au paradis al-Jannah, avant de rentrer au paradis al-Jannah. Et la preuve en est ce que rapporte l'imam al-Bukhari selon Abi Saïd al-Khudri radiyallahu anhu. Le messager d'Allah alayhi salatu wa salam nous dit, lorsque les croyants al-Mu'minoun seront sauvés du feu al-Nar, ils seront coincés devant un pont entre le paradis et l'enfer. Ils discuteront alors des injustices qu'ils se sont commis dans ce bas monde ad-dunya, jusqu'à ce qu'ils soient purifiés. Et on leur autorisera de rentrer au paradis. Jusqu'à ce qu'ils soient purifiés. Et on leur autorisera de rentrer au paradis al-Jannah. Puis il nous dit, alayhi salatu wassalam, «Walladhi nafsu Muhammadin biyadi». Par celui qui tient l'âme de Muhammad dans sa main, la personne au paradis reconnaîtra d'une meilleure façon sa maison qu'elle la reconnaît dans ce bas monde ad-dunya. La personne au paradis reconnaîtra d'une meilleure façon sa demeure au paradis qu'elle la reconnaît dans ce bas monde ad-dunya. Al-Hafidh ibn Hajar nous dit, ainsi qu'Al-Imam al-Qurtubi et d'autres parmi nos prédécesseurs savants nous rapportent, lorsque le prophète alayhi salatu wa sallam nous dit, lorsque les croyants seront sauvés du feu, cela signifie lorsque les croyants auront passé le pont As-Sirat. Ainsi, lorsqu'ils auront passé le pont, ils seront coincés devant ce deuxième pont avant de rentrer au paradis. Pourquoi? Afin que les cœurs se purifient. Afin que les cœurs se purifient de toute jalousie, et de toute haine, et de toute rancœur, et de toute mauvaise pensée, et de tout soupçon, et d'autres choses. Car ces personnes ne peuvent entrer au paradis avec ces choses-là dans leur cœur. Et ne peuvent entrer au paradis qu'un purifié. Et ceci est ainsi un autre moment de rendre les comptes que celui qui aura été établi dans le lieu du jugement, Al-Hisab. Et écoutez si vous voulez, ce que nous dit Allah Jalla wa Ala, وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍ. Et nous avons enlevé ainsi de leur poitrine toute mauvaise chose. Et lorsque les comptes ainsi seront réglés entre eux, et que les cœurs auront été purifiés, alors, pensez-vous qu'ils rentreront au paradis maintenant? Là, jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam intercède en leur faveur. Ils ne rentreront point au paradis jusqu'à ce qu'Al-Habib al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam intercède en leur faveur auprès de son Seigneur Jalla wa Ala. Et à ce moment, une fois de plus, ressortira et se manifestera la valeur et le mérite du messager d'Allah alayhi salatu wa sallam. Comme ceci est cité dans le recueil authentique d'Al-Imam Muslim, selon Hudayfa wa Abu Huraira radiyallahu anhuma, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Allah tabaraka wa ta'ala rassemblera les gens. Les gens seront alors tenus debout jusqu'à ce que le paradis al-Jannah leur soit rapproché. Jusqu'à ce que le paradis al-Jannah leur soit rapproché. Et ils la trouveront, et ils le trouveront alors fermé. Ils trouveront alors le paradis fermé. Ils iront voir alors Adam alayhi salam. Ils lui diront, oh notre père, demande qu'on nous ouvre le paradis. Demande qu'on nous ouvre le paradis. Et alors Adam alayhi salam leur dira, mais n'est-ce pas l'erreur de votre père qui vous en a fait sortir? N'est-ce pas l'erreur de votre père Adam qui vous a fait sortir du paradis? Je ne suis pas celui qu'il vous faut. Allez voir mon fils Ibrahim Khalilullah. Ils iront alors le voir. Et il dira, je ne suis pas celui qu'il vous faut. Allez voir Moussa. Car Allah lui a directement parlé. Wa kallama Moussa taklima. Il dira, je ne suis pas celui qu'il vous faut. Allez voir Isa. Kalimatullah. Kalimatuhu ila Maryam wa ruhum min. Ils iront voir alors Isa. Et ils diront, je ne suis pas la personne qu'il vous faut. Et enfin, tout le monde iront voir Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam qui intercédera en la faveur de tout le monde et tout le monde rentrera au paradis al-Jannah. Et ici, le mérite et la valeur et la noblesse et l'honneur d'Al-Habib al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam ressortira et se manifestera une fois de plus devant tous les gens et devant toute l'humanité entière. Et telle est la quatrième intercession d'Al-Habib al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, afin que les croyants, al-mu'minoun, rentrent au paradis. Comment rentreront-ils, ayyuhal ikhwa? Et qui sera le premier à y rentrer? Et qu'est-ce qu'Allah y aura préparé et réservé à ses serviteurs croyants et pieux, al-muttaqoun? Et comment seront-ils plongés dans ses bienfaits et ses faveurs? La réponse à ces questions seront traitées bi'idnillahi azza wa jal lors de notre prochain discours. Si Allah jalla wa ala nous prête la vie et la rencontre, wa as'alullah jalla wa ala an yarzuqana al-ikhlas wa al-sawab fi al-qawli wa al-amal. وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اجعلنا من المقبولين في رمضان، اللهم اجعلنا من المقبولين في رمضان، اللهم اجعلنا من الذين يصومون رمضانا إيمانا واحتسابا، ومن الذين يقومون رمضانا إيمانا واحتسابا. إنك على كل شيء قدير، إنك تسمع الدعاء وتجيب الدعوات. Et en tenant ces propos, ayol ikhwa, et par l'occasion, je tiens à préciser que toute parole véridique de ce prêche ne peut provenir que d'Allah seul, et que toute erreur ou omission oubli ne peut provenir que de moi ou de Shaytan. On sent innocent Allah et son messager, et je demande à Allah, jalla wa ala, qu'il accorde, et qu'il évoque en bien dans ses grandes assemblées, et qu'il accorde sa bénédiction à son noble messager, ainsi qu'à ses bien-aimés, ses compagnons, sa famille, et tous ceux qui suivent son chemin jusqu'au jour dernier, et notre dernière invocation, ayol ikhwa, que toutes les louanges appartiennent à Allah, le Seigneur de l'univers, walhamdulillahi rabbil alamin.